Et pendant ce temps-là, il faut bien vivre ensemble. Vivre ensemble. Together. Tout le monde ensemble. Le vivre ensemble à la une de la Gazette de ce matin. On nous parle de la controverse concernant le voile au soccer. Vous le savez sûrement, la Fédération québécoise de soccer interdit le port du voile. Des raisons de sécurité, c'est pas faire planicher musulmans, là. C'est des raisons de sécurité. Le voile sur un terrain de soccer, ça n'a pas sa place. Bon, vous avez eu, quand on s'est jasé tantôt, vous avez eu une bonne réaction. Si vous empêchez pas ces jeunes-là de jouer, qu'ils se forment une ligue, et qu'ils jouent entre eux et libre à eux, vous n'avez pas de problème avec ça? Ben écoutez, nous, on représente la Fédération de soccer du Québec. On représente près de 200 000 joueurs et joueuses fédérés. Et on a une réglementation à faire respecter. S'ils ne veulent pas respecter la réglementation, mais à ce moment-là, qu'ils s'organisent entre eux, effectivement. Et qu'est-ce qui les empêche de le faire? Absolument rien. Absolument rien. N'importe qui peut se regrouper dans un parc et jouer. Là. J'ai l'impression qu'ils font du forcing pour tenter d'aller chercher un accommodement raisonnable. Est-ce que c'est l'impression que ça vous laisse? Écoutez, je veux pas embarquer dans ce débat-là. On est là, nous. Craignez-vous qu'ils nous amènent en cours? On est là pour faire jouer les gens au soccer. Ils ont l'air décidés. Vous avez lu l'article de la Gazette peut-être ce matin. Ils ont l'air décidés. Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en prendre connaissance. Mais ils ont l'air décidés. Ils ont l'air convaincus. Et leur conviction m'illustre une volonté d'aller peut-être un peu plus loin, là. Craignez-vous ça, que ça déborde?